être arrêté, je devrais céder le passage en face? Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite? Oui, réponse C. Non, réponse D.